Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Totally confused by you. On reçoit François Landry avec sa chronique Logo Classique 1. Et des gadgets des plus inutiles dont ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios C'est Fou à Trois-Rivières en ce jeudi 29 septembre 2011. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Assemblage Requis, go! Go, go, go! Go, go! On est en forme ce matin. Oui, on est très en forme. Peut-être que vous, à matin, si vous avez mis votre cadran à 7h moins 5, peut-être que, bon, c'est Trois-Rivières métal, hey, trop super, trop excité, c'est... Là, nous, on va continuer avec de la musique un petit peu plus relax dans quelques secondes. Okay? Oui, et si vous êtes encore dans votre lit, vous n'avez pas mis le nez dehors, ben ouais. Faites-le pas. Non, parce que... Restez dans votre lit, il mouille, c'est une journée pour dormir. C'est pas une journée plaisante pour non. gens à pied principalement, mais ceux en voiture qui aiment se plaindre aussi, c'est pas très très bon ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai, hein? Ouais. C'est « Ah, il pleut, gnagné, mais t'es dans ton char, sois bien content. » Non, non, c'est ça, non. C'est pas... Quand t'es à pied, Charles, vas-y, à ta guise. Ouais. Vas-y. Sinon, dans le plan de l'émission d'aujourd'hui, on n'aura pas de Simon Fitzbé avec une chronique phénomène. D'habitude, il est là... Simon! C'est où? Mais pourquoi? Pourquoi moi? Oui. c'est quoi dans Rocky qui crie, là? C'est quoi? C'est Simon! Adrienne? Ouais, c'est ça, Adrienne, exactement. Simon! Donc, non, il n'y aura pas de phénomène. Par contre, on va l'avoir par téléphone tantôt vers les 8h pour parler de son émission Catalepsie. Parfait, formidable. Sa nouvelle émission de cette année, là, tout à l'heure à 8h. Ensuite, à 8h30, François Landry. François Landry va nous parler de politique comme à chaque semaine. Devine son sujet. Ben, je sais pas. La comparution de Duchesneau, l'affaire de collusion, là. Oui. Oui, moi je dis ça, l'affaire de collusion, comme si je savais de quoi je parlais. L'affaire de collusion, François, ben là, je pense que tu sais un peu de quoi... Oui. Hein? Oui. Voilà. Non, c'était à 8h30 dans Logocratie 101. Oh, ouais. Oui. T'as dit. Entre tout ça, on aura la collègue... Quoi? Qui? Non? La chronique, ça existe. En parenthèse, mais ça devrait pas. Virgule, on l'a pour l'exclamation. Ouais. C'est la chronique où on règle vos problèmes. On trouve des solutions à des problèmes que vous avez dans la vie. Par exemple... On crée des besoins. Aussi, on crée des besoins. Par exemple, pourquoi donc pas des... J'essaie d'en trouver un particulièrement bon, là. Ça a l'air d'être dur. C'est ça. Tu sais, des outils, quand tu fais de la construction, tu poses un cadre, mais dans le noir, tu sais, mettons, t'as une lampe de poche avec toi dans ton autre main, puis un tournevis dans l'autre main, ça va mal, tu sais. Et ils ont combiné, puis ils ont mis une lampe de poche dans chacun de tes outils. Ah! OK. Ah. Sinon, il existe des casquettes aussi avec le... Trop compliqué, ça. Une affaire. Ouais, c'est vraiment... Un tournevis, c'est tout. Ah, c'est ouf. Un casque, franchement. Ben voyons donc. Donc, ça existe, ça devrait répondre là plus tard dans l'émission. Et aussi les nouvelles technologiques Silix. Voilà pour le plan d'aujourd'hui. Assemblage Requis, go! Go, go, go! Merci Mathieu! Merci François-Olivier de rien et tout. Merci, à la prochaine, hein? À la semaine prochaine. C'est un beau plan d'émission, oui. Ouais. Puis, est-ce qu'on a C'est un fait aussi? Non, c'est ça. Jeudi, il n'y a pas de C'est un fait. Non, mais là, je me disais, vu que Simon... On essaiera de trouver quelque chose pour remplacer Simon. Je veux pas te tordre la main, voyons donc. Ben non, mais non, on se fera peut-être d'autres choses. On verra bien. On va demain! On pourrait faire un deux fois, là.

Le jour, la nuit, le... Ah, c'est vrai, on avait une intro de chronique. On avait une intro de chronique, là. Hein? Hey. C'est là. À peu près là qui était placé, je pense. À peu près là. Tout de suite après. Valès Pariétaire avec Le jour, la nuit. Ce que j'aime de Valès Pariétaire, c'est qu'aucun de leurs titres de chansons, en tout cas presque aucun, est ce qu'on penserait que ce serait. T'sais, comme lui, c'est Devenir cynique, devenir cynique. Tu t'attendrais à ce que le titre soit Devenir cynique, ça? Mais non. L'autre, la chanson qui dit Synesthésie, tu penses que ça va être Synesthésie, mais c'est Bois vert, genre. Mais ça devient mêlant, ceux qui entendent la pièce, et puis tu cherches, tu sais, tu dis, bon, ben, ça doit être à peu près ça le titre, mais non. Non. Et le pire, c'est qu'il y a une des paroles qui est répétée souvent dans une chanson qui est que pas ce titre-là, mais cette phrase-là, c'est le titre d'une autre chanson. Moins, c'est ça. C'est mêlant. Par exemple, on peut télécharger gratuitement tous leurs albums. Plusieurs albums de Valès Pariétaire sur valespariétaire.com. C'est super bon. Ça vaut la peine, ça. C'est hot. C'est très hot comme idée. François, je me demande quel bloc s'en vient. Je sais pas. Ben non, mais là, on a entendu l'intro, donc là, je le sais. Non. C'est un artiste de une même chanson. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Okay. Pensez deux fois parce que dans notre monde y a deux lois. Le concept c'est de le faire une fois. C'est la chronique « Il était deux fois » dans Assemblage requis. François vous l'a si bien expliqué, donc on comprend. C'est deux fois la même pièce, mais une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Ouais. Mais ça se ressemble pas tellement. En fait, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Souvent, ça ressemble comme si c'était complètement une autre chanson, c'est exactement. Ça? Exactement. Comme si c'était, mettons, deux chansons différentes presque, mais du même artiste. Ça sonne un peu comme ça quand on le fait, non? Quand j'écoute d'habitude la chronique, c'est pas mal ça que ça me... T'sais? Ouais, mais des fois, tu fais autre chose en même temps. J'avoue, je suis un peu déconcentré. Des fois, je fais des gages, je parle les intros de chroniques au mauvais endroit. Ouais, ça arrive. C'est pas avant de pardon, par exemple, t'es parce que t'es grand. C'est ça. Pas parce que t'es beau, pas parce que t'es fin. C'est ça. Parce que t'es grand. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils disent, ces gars qui sont grands. Ouais, dans les grands pots, les excellents. Là. Hein? Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Oui, oui. Dans les petits pots, les meilleurs onguents, mais dans les grands, les excellents. Voilà. C'est ça qu'ils disent. T'es un grand philosophe, hein? Le matin, surtout. Le matin, avant 9h de préférence. Oh oui. Ouais. Donc, deux pièces de The Cooks qu'on va l'entendre. Un de leurs albums le plus récent sur celui qui s'appelle Jug of the Heart. On l'a écouté hier, on a adoré. C'est la pièce Is It Me? Oui, exactement. Ça, c'est très catchy. Ça fait genre Is It Me You're Looking For? Non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que tu fais là, matin? C'est pas celle-là. Non, c'est Is It Me or Mathieu Plant? On commence avec une pièce de leur précédent album, ou en tout cas un de leurs précédents albums. C'est bon, ça? Sur Kank, c'est Always Where I Need to Be, tout de suite. Sur C'est Fou 89.1 FM. Is It Me or Looking For? Non. C'est qui, ça? Be so obscene because I always think think that I know how to be, but I always thought I would end up with you eventually. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. I can lose it. Is it the times that we're going through? Was it hard? Did your heart break down? Is your mind still in control? There is a violence in love. Some things I'll never understand. So where the bullets missed you out, they hit me and I'm The Cook, c'est deux pièces. The Cook et oui. Deux pièces. Non, mais deux pièces, j'allais les nommer. Jean, si tu m'avais laissé finir, mettons, je dirais. Vas-y, vas-y, vas-y, Mathieu, on je te laisse. Entendre... Is it me? C'est bien ça? Oui, mais c'était Is it me, c'était pas... Hello! Is it me you're looking for? Quel grand ça, tu connais ça de moi? Je sais pas. T'as peu d'après moi... Trop de Star Academy, hein, ça. Ben non, mais je sais pas, c'est qui ça? C'est Lionel Richie. OK. Comment aussi tu me poses cette question? C'est un classique standard américain. Classique, mais on dirait que je connais pas ça. Non. Non. Non, non, non. Bon. C'est bon, hein? Donc, la pièce Is It Me de Cook sur leur album le plus récent qui vient de sortir, Junk of the Heart. Et avant, on a entendu une pièce de leur album Conk, Always Where I Need to Be, qui date, lui... De Yalon, 2008? Ah, quand même, j'aurais dit avant ça. Et voilà. On prend une petite pause et on revient après avec, entre autres, la musique de Pac AD et aussi la chronique CNX. Ouais! Restez là. Restez là avec nous. Et t'as l'air heureux. Oui. I long to see the sunlight in your eyes. Tu connais toutes tes parents? Pas toutes. Attends. C'est sûr que oui. Tell me time and time. How much I care. Y'a pas de karaoké dessus. Je connais les paroles. I feel my heart will overflow. Hello. I've just got to let you know. Vous êtes assez fou. Oh, Coconut Island. C'est comme un autre. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, assemblage requis, se poursuit jusqu'à 9h. Et une chance que vous n'êtes pas là pendant les pubs, vous autres. Non, c'est pas chic chic. C'était obscène. Ça vole pas. Ça finit par Oh Coconut Island. Oh Coconut Island. François? Oui? Pas très osé ici. C'est la chronique technologique geek, là. Tu sais, là? Ouais. C'est là, là, là. Celle qu'on n'a pas le choix de faire. C'est ça, parce qu'il y a du chiptune à la fin. C'est Nix. Est-ce que tu penses que je vais gagner aujourd'hui? Je suis sûr que je vais gagner. Non, je vais gagner encore. J'ai la chance de mon bord. T'es maudit. Beaucoup trop de coups de truc avant que je puisse parler. C'est Nix aujourd'hui, c'est la chronique des nouvelles geeks. Tu trouvais pas ça drôle? Moi, je trouvais ça drôle. Non? C'est quoi ces bruits-là? C'est des bruits de bouche. OK. Bon, ben, c'est dit. On commence avec la grosse nouvelle du jour. Moi, en tout cas, c'est la nouvelle qui m'excite le plus. Et François, tu me diras si t'es excité parce que là, toi, on sait que t'aimes pas les tablettes. Ben, pas que j'aime pas les tablettes, pas de besoin. Ouais, j'ai pas le besoin d'eux. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui trippent dessus. Je vais peut-être te faire changer d'idée parce qu'Amazon vient de révolutionner le monde pour ceux qui sont pas encore c'est au courant. Ça a été annoncé, d'accord? Donc, le détaillant en ligne Amazon a dévoilé hier sa tablette Kindle Fire, un appareil à écran tactile plus abordable que le compétiteur de taille, le iPad d'Apple. À la baisse de prix, ça accompagne d'une réduction de fonctionnalité. Par contre, contrairement à ses compétiteurs, la tablette de 7 pouces, qui en passant un plus petit écran, mais d'ailleurs, c'était un des désavantages que les gens disaient du iPad, c'est un peu gros comme écran. Tu sais, moi, j'aurais aimé un entre iPhone et iPad, tu sais, genre, et là, 7 pouces, c'est pas mal la grandeur parfaite. Pas de caméra, pas de microphone, pas de connectivité 3G pour ce modèle-là. Donc, c'est par Wi-Fi seulement. Vous devez avoir une connexion Internet autour de vous. Vous allez devoir utiliser les réseaux Wi-Fi. Avec son écran couleur et un processeur double cœur, la Kindle Fire pourra être utilisée pour consulter l'entièreté de la bibliothèque numérique d'Apple. On parle de films, d'émissions de télé, de livres, d'applications. Ça pèse un peu plus de 410 grammes. La tablette peut être tenue d'une seule main, selon Amazon. Contrairement au iPad d'Apple, qui est un autre des désavantages que les gens trouvent, c'est que même si c'est tout beau, tout mince, ça reste lourd pour lire un livre. Tes bras se fatiguent à un moment donné quand même assez vite. Amazon ne s'est pas contenté de dévoiler une tablette moins chère que l'iPad. Le Kindle Fire innove en faisant grand usage de l'informatique en nuage, le cloud computing. Un domaine où Amazon est très, très, très implanté. Le quoi? Le cloud? Le cloud computing, ça veut dire que tout se passe sur Internet. Tes documents sont en ligne, ta musique est en ligne. C'est comme okay. Tu as accès partout, en fait, dans le monde. T'as pas de clé USB, t'as pas... Ouais, de... c'est un peu ça. Donc, la tablette va être équipée d'un tout nouveau système d'exploitation qui s'appelle Silk. En fait, Silk, c'est plus... moi, ce que j'avais lu, parce que là, je lis l'article de Cyberpress, là, moi, ce que j'ai lu, Silk, c'est le furteur Internet que tu vas utiliser. Le système d'exploitation, c'est Android, donc je comprends pas pourquoi l'article dit ça, mais frère. Ça va utiliser l'informatique en nuage, le browser, le furteur Silk. Ça va être une mémoire cache illimitée pour fournir une navigation sur le web plus rapide. Donc, les pages web vont être storées, comme on dit, emmagasinées chez Amazon pour un accès plus rapide que via les serveurs exacts des compagnies que vous visitez. Le PDG de l'entreprise a dévoilé qu'une nouvelle version de sa liseuse, le Amazon Kindle Reader, équipée d'un écran tactile, allait être mise en vente au prix de 99$. Donc, le Kindle, tu te rappelles juste le lecteur de livres? Ouais, ouais, ouais. Il va y avoir une version tactile de ça. Donc, tu vas avoir une version pas tactile. C'est pas déjà tactile? Non, avant, c'était avec un clavier en bas. Et le modèle avec un clavier va aussi coûter 100$. Mais lui, il va avoir c'est ça, son clavier complet. Donc, tu vas avoir plusieurs modèles sur la page d'Amazon.com. Vous pouvez les voir, les différents modèles. Le Kindle Touch, le Kindle pas Touch, le Kindle Keyboard avec connexion 3G. Ce qui est vraiment parfait, par contre, et là, je ne vais pas tout vous dire les informations, mais il y a certains modèles du Kindle 3G qui a une connexion illimitée 3G et sans aucun contrat et sans aucun forfait et rien. Donc tu payes, disons, 100, je pense que c'est quelque chose comme 150$ pour la version Touch avec la connexion 3G. Et là, tu peux te connecter à Internet sans borne Wi-Fi, donc vraiment n'importe où, comme un iPhone. Ouais. Et ça te coûte rien de plus par mois. Mais comment ça? Aucun contrat. Pourquoi? C'est inclus dans le forfait de... Mais voyons donc. Mais celui-là, c'est pas celui où tu peux aller voir des émissions de télé, là. C'est la version liseuse de livre. Ah, OK. Le Kindle Fire n'a pas encore de connexion. Non, mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore de connexion 3G sur le modèle Fire, parce que ce serait beaucoup trop gobant de bande passante. Ouais, c'est ça. C'est ça serait cher. J'imagine qu'ils peuvent vous le fournir pour 50$ de plus sur l'appareil en tout, juste parce que des livres à télécharger puis des pages web, pas d'image de bonne qualité, ça vaut pas cher, tu sais. Ouais. À un moment donné, ça doit être rentable pour eux autres. Voilà, donc allez voir sur Amazon.com pour tous les détails. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails à voir. Je suis allé voir les vidéos hier et je capotais. J'en veux deux, tu sais. Ouais? Tu voudrais plus ça qu'un iPad? Ben, je te dirais qu'un iPad... justement, parlons-en du iPad. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la chose la plus géniale que Amazon ait pu faire. Parce que même sur leur page d'accueil... je vais ouvrir la page d'accueil parce que là, j'aurais pas dit des affaires dans les airs sur ce que j'ai lu hier, ça va être plus simple. Mais Amazon.com, sur sa page d'accueil, dit, et je cite... Il y a deux types de compagnies, ceux qui travaillent fort pour charger plus cher à leurs clients et ceux qui travaillent plus fort pour charger moins cher à leurs clients. Les deux approches peuvent fonctionner, mais on est fermement dans le deuxième camp. Tu vois, eux autres... Ça, c'est Amazon qui dit ça. C'est Amazon qui veut descendre le plus les prix. Donc, okay. Amazon, en changeant le monde, parce que littéralement, ce qu'ils ont dévoilé hier vient changer le monde des tablettes. OK, changer le monde des tablettes. Mais je te pose une question. Ouais. Comme exemple, là, moi, je trippe l'application Tout.tv. Ouais. Est-ce qu'il est là? Ben, justement, peut-être, mettons, je sais pas honnêtement s'il est là ou pas, okay. Mais ce que ça va faire, c'est que vu que les gens vont acheter ça pour 200$ ou beaucoup moins, ils vont ça faire va forcer à faire des applications okay. Android okay. pour ceux qui en ont pas. Parce que c'est encore un plus petit marché que les applications. Parce qu'en fait, toutes les applications qui est Android... Mm-hmm. Va fonctionner sur le Kindle. C'est ça, parce que okay. c'est vraiment le système d'exploitation okay. Android. C'est ça qui est bien. Et c'est ce qui fait aussi que Apple n'aura pas le choix de réagir et rapidement, là, parce qu'ils vont sûrement annoncer leur iPad 3 dans les prochains mois. On s'entend là-dessus, à un moment donné, ça s'en vient. T'sais. Donc peut-être qu'ils n'auront pas le choix de faire descendre les prix s'ils veulent battre Amazon, parce qu'Amazon va. Mais ils peuvent jamais descendre à 199. Non, mais sur. Non, exactement. Puis il y a une raison pour que ça coûte seulement 199. Il n'y a pas de caméra, on l'a dit, il n'y a pas de GPS. Il y a plusieurs options qui ne sont pas là. Alors que le public qui a un iPad ne voudront pas se débarrasser de leur GPS. Donc ils n'auront pas le choix. Oh. De le vendre plus cher, mais ils vont pouvoir ils vont devoir le descendre du prix qui est là en ce moment. Non, s'entends-tu pour dire qu'un GPS n'a aucune utilité si t'as pas le 3G? Ben, c'est exactement ça. Exactement. Parce que sinon, t'es sur le Wi-Fi. Si t'es chez vous, c'est ça, t'as pas besoin d'un GPS. Non, et où ma cuisine, bâtard? Non, mais c'est complètement idiot. Et ouais, puis, ouais. En fait, en tout cas... Mais c'est pour ça, ça change le monde. Ça force les autres compagnies à vraiment décider, à prendre des décisions sur leur futur. Est-ce que tu penses que le Kindle va avoir les options GPS? Ils vont être obligés d'offrir le 3G aussi? Tu veux dire que le... Sur le Kindle, le 3G? Ah, ça va venir. Mais le GPS, je suis pas sûr qu'ils vont se rendre jusque-là. Je sais pas. Ça va dépendre de ce que le public veut. Si le public trouve que c'est correct de payer beaucoup moins cher pour avoir quelques options de moins, mais la plupart des options que tu veux sont là. Tu sais, regarder des émissions de télé, des films, de la musique, tout est là. Le GPS, c'est pas tout le monde qui en a besoin. T'achètes pas ça pour un GPS. Ben non, mais c'est bien de l'avoir. Puis si tu l'as, tu veux pas le perdre, mais... Moi, je sais pas. Ben tu sais, en même temps, on dit ça, mais il y a des options qui ont été enlevées des différents modèles de iPod Shuffle ou Nano. Ils ont fini par enlever... c'était quoi le... En tout cas, il y avait des options sur le plus petit, là, celui qui est devenu juste un petit écran de rien. En tout cas, il y avait enlevé des options. Pas. Les gens n'ont pas tellement chialé, fait qu'on continue comme ça. Mais Apple va pouvoir au moins mentionner sur dans le marketing qu'ils ont plus d'options que les affaires d'Amazon, mais il va falloir qu'ils battent leur prix. Donc voilà pour ce sujet-là. Allez voir, oui, Amazon.com, c'est vraiment fantastique. Parlons de d'autres nouvelles dans le monde des technologies. Firefox 7 est sorti hier. Nouvelle mise à jour de Firefox disponible au téléchargement en version finale sur les serveurs de Mozilla depuis la nuit de lundi à mardi. Une nouvelle version qui apparaît un peu plus d'un mois après la version 6 dont on a parlé ici à l'émission. Ils promettent une baisse moyenne de 20% à 30% de la consommation des ressources. Et là, on sait que leur calendrier de sortie a vraiment changé. Donc Mozilla va sortir des nouvelles versions très, très fréquemment avec un gros chiffre, mais ils veulent plus que ce soit aussi important. Donc à un moment donné, ils veulent que les gens, ça sorte tellement souvent les nouvelles version qu'on arrête de parler du fait qu'il y a une nouvelle version. Genre, on dirait. Parce que là, si on regarde leur calendrier, la version 20, Firefox 20, est prévue pour 2013. C'est bientôt, ça, là. Mm. Version 20, là. Firefox 20. L'autre, c'est Explorer 9, puis c'est des affaires de même. Fait que non, ça va très, très vite. Allez voir sur getfirefox.com pour télécharger. C'est déjà là, je l'ai installé chez nous. Il n'y a aucune différence visuellement, mais derrière, en dessous du capot, c'est là que ça se passe. Ouais. Côté jeux vidéo maintenant, après les guides de jeux, ce sont les revues spécialisées en jeux vidéo qui vont faire leur apparition sur Steam, le système de jeux en ligne sur PC. En effet, et Mac en passant. En effet, Future US a procédé au lancement de PC Gamer Digital, une version numérique de sa revue. Elle est disponible exclusivement sur Steam et y retrouver des articles de toutes sortes. Dans sa première édition, PC Gamer Digital présente notamment un guide sur Team Fortress 2, une comparaison de trois façons de jouer à Deus Ex Human Revolution. Est-ce que tu connais ça? Tout le monde parle de ce jeu-là. Hein? Non. Deus Ex, non. Chaque édition coûte... Ben, pas vrai, c'est pas mon genre de jeu, donc je me suis pas informé du tout. Mais c'est vrai que ça pogne pas mal, peut-être que ça pourrait être ton genre. Deus Ex Human Revolution. Ça coûte 2$ par numéro et pour le moment, ce serait pas, c'est pas disponible au Canada, mais ça s'en vient. Donc on peut s'entendre que le futur peut-être des magazines de jeux vidéo, parce qu'on s'entend que les magazines de jeux vidéo, ça se vend de moins en moins avec Internet. Hein? Ouais. Donc peut-être que leur solution sera sur Steam et d'autres plateformes de jeux vidéo en ligne. Ensuite, parlons d'un nouveau indie bundle. Vous te souviens peut-être, j'en avais déjà parlé, peut-être que tu t'en souviens pas, mais le Humble Bundle, c'était un paquet de jeux, un emballage, genre, mais numérique, là, virtuel et sur Internet, de jeux que tu pouvais payer le montant que tu voulais. Et ça allait à de la charité, et tu pouvais diviser l'argent. Donc, les éditeurs indépendants se réunissent pour offrir de jolies promotions aux joueurs, et une de celles-là, donc, c'est le Humble Bundle version Frozen Synapse. Donc, l'acheteur peut lui-même décider du prix qu'il veut payer, donc minimum de 1 cent, sachant qu'une partie ou la totalité de la transaction peut être reversée soit à des associations caritatives et soit aux créateurs des jeux. Donc, tu as des petites glissières et tu peux choisir le pourcentage qui va aux associations caritatives et aux jeux. Ben, une cent... Non, mais tu vas pas à une cent, là, tu sais, moi, 5-10$, tu sais... Ça a bien du sens pour autant de jeux de qualité. Et dans ce cas-ci, ce qu'il y a de particulier, c'est pas comme les autres bundles où tu avais vraiment, mettons, 5 ou 6 jeux et que tu payais ce que tu voulais. C'est que celui-là est constitué à la base d'un seul titre. Donc, si tu mets un montant moindre, tu vas avoir seulement ce titre-là. Mais si tu dépasses la moyenne, tu sais, la moyenne comme dans un cours, tu sais, aussitôt, mettons, là, la moyenne est à 4,57$ en tout, mettons. Là. Mm-hmm. Mais si tu dépasses ça, ils te donnent le reste des jeux. Ah, ça, c'est le fun. Ça vaut vraiment la peine. Donc, on reçoit Trine, Shadowgrounds, Shadowgrounds Survivor, Splot, qui est présentement en précommande, et Splot. La démo Splot, et la démo de Jack Claw. Donc, c'est tout le temps des jeux indépendants, c'est tout le temps des jeux de super bonne qualité. Vraiment, j'ai acheté plusieurs Humble Bundle, et j'ai tout le temps adoré les jeux qu'il y avait dedans. C'est fantastique pour seulement 5 ou 10 $. Les jeux sont tous sans DRM, donc sans protection. Vous pouvez les envoyer à vos amis, mais tu sais. Oh! Ouais, c'est ça. Sur PC, Mac et Linux, l'opération est jusqu'au 12 octobre. Et allez-y, s'il vous plaît, c'est humblebundle.com. Je le conseille vraiment beaucoup. Il y a tout le temps des bonnes affaires là-dessus. Ah, c'est bien à savoir. Très bon, ça. Hommage à Zelda. Vous savez que c'est le 25e anniversaire de plein de mascottes de jeux vidéo cette année. Je pense que c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu Mario, Sonic, Zelda, Donkey Kong? Comme toutes les séries de jeux vidéo majeures, si je me rappelle bien, sont au 25e anniversaire cette année. C'est un hasard, là, peut-être, mais en même temps, les jeux ont commencé à quelque part. Hein? Faut bien qu'il y ait un anniversaire de tout le monde en même temps. Ouais. Donc, hommage à Zelda, on vous offre le jeu The Legend of Zelda Four Swords qui était sorti sur... je pense que c'était sur DS, mais en tout cas, ils sortent une version de Four Swords sur DSiWare gratuitement, vous pouvez les télécharger, 0$, rendez-vous sur votre console 3DS, DSi ou n'importe laquelle, et puis télécharger ce jeu-là, ça vaut vraiment la peine. Un jeu de Zelda très très rétro, ça, c'est le look, dans le fond c'est un jeu quand même récent d'il y a quelques années, mais le look est fait pour ressembler au jeu sur Super Nintendo A Link to the Past, là. Ça paraît, je suis pas un expert de Zelda. Des fois, j'ai l'impression que je dis pas les bons noms. Mais il me semble que c'était A Link to the Past, celui sur Super Nintendo. En tout cas, ça se peut. Bref, Rogers a annoncé cette semaine la mise en service de son réseau sans fil LTE. Qu'est-ce que tu fais avec tes doigts? Non, j'étais encore stické sur le Kindle. Je check un peu les grandeurs dans ta tête. Mais justement, je vais t'en parler tantôt de comment calculer ça. Donne-moi quelques secondes. Donc, le réseau LTE de Rogers, qui devient le premier réseau mobile à offrir la technologie dans la métropole québécoise. Cette technologie permet aux détenteurs d'appareils mobiles d'atteindre des vitesses de téléchargement plus rapides. Rogers promet que son nouveau réseau permet de télécharger à des vitesses théoriques pouvant atteindre jusqu'à 100 MB par seconde. Le réseau sans fil de Rogers sera également déployé à Toronto et à Vancouver. Et selon Mobile Syrup, la phase 2 du déploiement de Rogers devrait atteindre Boucherville, Laval, Saint-Constant, Saint-Eustache et Terrebonne. Pour s'en prévaloir, le tarif est de 52,93$ pour le temps de téléchargement de 10 GB de données. C'est beaucoup. Parlant de transfert de données, d'après Intel, développeur de la technologie, les prises Thunderbolt des Mac actuels, je sais pas si t'avais vu les prises Thunderbolt. Non. C'est des petites prises, c'est les prises d'écran sur les Mac, mais maintenant, la prise d'écran sert aussi pour des disques durs et une technologie de transfert de très, très rapide de données. Donc, les prises Thunderbolt des Mac actuels vont supporter les câbles en fibre optique qui vont succéder à partir de l'année prochaine aux câbles en cuivre, nous dit-on, développé par Intel sous le nom de Lightpeak, la technologie de connexion de périphériques utilisée sous le nom commercial de Thunderbolt par Apple utilise pour le moment des câbles en cuivre, mais il est prévu qu'ils soient remplacés l'année prochaine par des câbles en fibre optique, et là, ça va aller beaucoup plus rapidement, 100 gigs par seconde contre 10 gigs secondes et capable de supporter une longueur de plusieurs dizaines de mètres. Donc, vous avez bien entendu, 100 gigs par seconde. Seconde, François. Incroyable. Oui, quand même. 100 gigs secondes. C'est énorme. Puis, ouais, c'est énorme. C'est tout pour les nouvelles. Pour l'instant, j'ai quand même trouvé quelques petits trucs rapides, dont celle qui va t'intéresser peut-être le plus pour ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est iRuler.net. IRULER.net, OK? IRULER.net, c'est une règle virtuelle. Hein? T'sais? Donc, ça va détecter ton écran. Par exemple, moi, ça détecte que mon écran est 1366 par 768 pixels. Tu peux la choisir à la main si ça n'arrive pas à le détecter. Et là, tu as une règle qui apparaît à l'écran de la bonne proportion. Et là, tu peux voir, mettons, tu dis que le Kindle est combien par combien? Ben là, je ne l'ai pas parce que j'ai tapé ça dans la même page, là, mais... Ah, OK, ouais, ça tombe un peu mal. Mais mettons qu'on disait qu'il y avait... 7 pouces et demi, c'est ça, parce qu'il y a 7 pouces d'écran, donc peut-être 7 pouces et demi. Ben vous voyez que c'est grand de même comme mes mains, tu sais, c'est grand de même, tu sais. Genre, ouais. À peu près. C'est un petit peu plus qu'un Subway, François. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est iRuler.net. La NASA a lancé des sonneries de téléphone avec les moments historiques comme The Eagle Has Landed par Neil Armstrong ou l'Apollo 13 qui disait Houston, we had a problem, tu sais, ces trucs-là. Donc, ils ont lancé des petits sons que vous pouvez télécharger. C'est par catégorie. Donc, si, mettons, on en écoute quelques-uns, par exemple, pourquoi pas celui-là, tu sais, le lancement de la fusée. De la navette. De la navette. C'est sûr que ça, comme sonnerie de téléphone, t'as l'impression que quelqu'un a pété à côté de toi, mais bon. Ouais. J'espère que t'as mangé un bon burrito ce midi. Mettons, si tu pourrais dire ça. Mettons juste un autre, un bip-bip de Spoutnik. Hein? Donc, vous pouvez les télécharger. C'est assez simple. Hein? C'est assez simple. Il y en a d'autres. Il y en a des meilleurs que ça. Puis il y a de la voix aussi qui est quand même assez intéressant. Donc, c'est sur le lien est sur assemblagerequis.com, bien sûr. Le jeu Warco, qui est un shooter à la première personne, mais la seule chose que tu fais, tu ne shootes pas des humains. Tu shootes avec une caméra. Comprends-tu ce que je veux dire? Shooting, tu sais, shooting vidéo, shooting photo, ouais. Tu fais un shooting. Bon. Donc, c'est ça. Les jeux vidéo sont souvent critiqués parce qu'ils sont trop violents, mais c'est un nouveau FPS, un first-person shooter, un tireur à la première personne, qui s'appelle Warco. Tu joues le rôle de Jesse DeMarco, qui est un correspondant de guerre pour un réseau de télé. Donc, ta seule arme est une caméra vidéo et une soif de Pulitzer. Ah, oh, c'est hot, ça. C'est une très bonne idée. Il y a une bande-annonce, si vous voulez aller voir. Le jeu. C'est sur quoi, ça? En fait, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas encore d'éditeur. Donc, j'imagine que quand ils vont avoir trouvé un éditeur, quelqu'un pour le sortir, ils vont pouvoir choisir. Mais en tout cas, console va venir avec l'éditeur, si on veut. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est seulement une théorie. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est des scènes du jeu en tant que tel ou si ils sont servis d'un autre jeu pour faire la démo. Mais ça a l'air vraiment cool. Si tu as des points pour les angles que tu fais, des trucs comme ça, la façon que tu cours ou que tu prends tes images. Puis c'est qu'à la fin du jeu. Je vais recommencer un petit peu plus tôt dans l'article, c'était vraiment intéressant. Ça disait, à la place de collectionner des achievements comme tu ferais sur Xbox, mettons, ou des high scores, c'est qu'à la fin de chaque niveau, ton but va être de monter un reportage avec la vidéo que tu as capturée. Et ensuite, tu vas pouvoir publier cette vidéo-là en ligne. Excellente idée, non? Ouais, bonne idée. C'est très, très bon. On a aussi pour terminer, tiens, ça va être bon ça. C'est un gars qui est aveugle, Terry Garrett, qui joue à The Legend of Zelda, The Ocarina of Time, en écoutant les effets sonores du jeu. Donc, le gars est installé sur son divan et avec des haut-parleurs à gauche et à droite. Okay, so this time I wanted to show that not only can I play. On va aller un petit peu plus loin, c'est que il entend les effets sonores qui viennent de gauche et de droite, ok? Et il se fie sur ces effets sonores-là pour aller dans une direction. Okay, so et il voit l'objectif parce qu'il joue sur un émulateur. Donc, le texte qui apparaît à l'écran, il l'entend. Et là, tu vois, il essaie de toucher le mur avec sa manette. Il va frapper le mur avec son épée, frapper le mur à gauche pour pouvoir, tu sais, prendre sa distance pour savoir où s'en aller, suivre les donjons du jeu. Et comme il joue avec un émulateur, il peut faire des save states qu'on appelle un peu comme les speedrun. Quand tu vois un jeu vidéo qui est joué très, très rapidement, mettons à Mario, quelqu'un qui joue le jeu de Mario complet en 5 minutes, ouais. C'est parce que chaque affaire qu'il fait, il sauvegarde, puis il repart, puis il recommence la même commande jusqu'à temps qu'il la réussisse parfaitement, tu sais. Avec ça, avec l'émulateur, tu peux avancer, mettons, jusqu'à une bibitte. Si tu te fais tuer, tu recules d'une seconde à ton dernier save state, tu ressortes dessus jusqu'à temps que ce soit parfait. Puis quand tu rassembles toutes ces save states-là, okay. Ça fait une vidéo complète. Lui, utilise cette option-là pour arrêter, quand il meurt, recommencer. Mais tu peux saver tout le temps? Avec un émulateur, tu peux saver à chaque seconde. Un émulateur, c'est quoi exactement? C'est très bonne question, c'est que tu peux jouer à un jeu vidéo de n'importe quelle console sur ton ordinateur. OK, oui. Okay. Donc tu branches ton PC sur... Tu vas te chercher un jeu, là, Mario Kart, exemple. Exactement, tu vas te chercher l'émulateur de la console, tu les combines ensemble, tu peux ouvrir ton ROM dans ton... Et sur un émulateur, émulateur, tu peux sauvegarder tout le temps. C'est ça. Tout le temps. Faut que tu choisisses le bon émulateur, mais ouais, t'as beaucoup d'options là-dedans. Okay. Et souvent, les gens vont avoir un raccourci sur leur clavier, donc on va pouvoir juste appuyer sur une touche ou un bouton sur leur manette. Tac, c'est simple de même. C'est simple de même. Puis ça permet aussi aux jeux qui n'ont pas de sauvegarde du tout, comme les vieux jeux de Game Boy puis de NES, à place d'avoir à utiliser un mot de passe. Ouais. Sauvegarde. Donc, je réalise que la vidéo parlée n'est pas super intéressante, mais de le voir jouer, c'est vraiment, vraiment intriguant de voir quelqu'un qui n'a aucune vue. Avec deux haut-parleurs, une manette et lui en train de jouer en arrière, puis tu vois qu'il réussit à faire bien des affaires, parler aux personnages, ouvrir des portes, aller chercher, casser des pots, n'importe quoi. Dans Zelda, c'est The Ocarina of Time. Et comme on le fait toujours à l'émission, après la chronique CNX, en tout cas quand on a le temps, puis ça donne que cette semaine, j'ai pris le temps. On écoute une pièce de chiptune. Oh, que ça va être bon! Voici J-Rad et One Bit of Training Before You Fight sur C'est Fou. Let's go! OK Volcan avec la pièce Facteur Temps. Oh oui! Assemblage Ricky avec Mathieu Plante. Et François-Olivier Marchand. Oh oui, c'est bien moi ça. Deux animateurs qui fessent. Avec de la musique qui fesse le matin. Non? Il n'y a rien de mieux que les fesses. Oh ouais, ouais, écoute, je m'attendais pas à entendre le mot fesse deux fois d'affilée. Avec, ben, une pour chaque. Ouais, faut pas faire de jaloux. Hein. La gauche va être jalouse, la droite. Oh, boy, boy, boy. C'est toujours Assemblage Ricky, votre émission matinale en pièces attachées. Pièces attachées, comme on cherche des pièces, puis à un moment donné, on les rassemble, ça fait une émission de qualité. Exactement. Des fois. Des fois. C'est déjà arrivé. Je peux penser au moins une fois qu'on a fait une émission complètement de qualité. C'était OK? J'étais sûr que je l'avais, là. J'étais sûr que j'en avais une. Mais non. Je la trouve plus. Non, c'est ça, je pense que tu te trompes d'émission. Non, nos chroniqueurs sont tous de qualité, c'est vrai, et on en a un tantôt dans l'émission François Landry qui s'en vient. Parfait. Pas le collusion, là. Oh, avec M. Duchesneau. Duchesneau lui-même. Ça va être intéressant. Tout à fait, mais c'est toujours intéressant avec François Landry. C'est vers les 8h30. Voilà. Vraiment. Pour l'instant, on a le temps d'écouter un petit peu de The Pack 80 sur le palmarès anglophone de C'est fou sur leur album On Persons. Voici Haunt You. Par The Pack 80 sur l'album On Persons. Crie pas comme ça. Excuse-moi. C'est quand même bon, The Pack 80. Ben, c'est ça l'affaire. Là. C'est ça l'affaire. Quand, à un moment donné, il faut se dire les affaires comme elles sont. ça bon. Et puis, est-ce que ça va changer de position aujourd'hui, bonne Mathieu, question. Dans les palmarès? Je sais pas, c'est une surprise, mais je sais pas d'avance. Tu sais pas, hein? Non, il va falloir écouter les palmarès C'est fou cet après-midi de 14h à 17h avec Marie-Pierre Lafourche-Bourret et moi-même, Mathieu Plante. Formidable. Les palmarès C'est fou tout à l'heure. Pour l'instant, plus tôt que ça, ouais. Tantôt, François-André s'en vient. Oui! Oui, on va voir la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Fait qu'il est resté donc là. Oui, ça serait important. On l'a. Resté donc là. Donc là. Géro là. Les Géro là. Oh. Un Gérol comme dans le temps pour changer pas. Non. S'il te plaît. Tantôt. Mathieu. Ferme le micro. François, arrête de parler. Oui, oui, c'est correct. J'ai ferme le là. Ah, ah clic. Ouais, fais-le donc. Clic. Ah, oh, j'attends que tu dises des niaiseries. Ben, voyons donc. T'as pas la main, là, sur le piton. J'ai pas la main sur le piton. C'est donc bien beau. Elle est occupée à faire d'autres choses, ma main. Ça? Hein? Une belle niaiserie, ça? Ouais. T'es beau, t'es fin. C'est pas une niaiserie, là, de dire des affaires qui sont vraies. Ouais. Oh. Ça devient long avec le temps, cette blague-là. Quand même. Ouais, c'est ça. Quand même. Ouais. Moi, je serais dû pour écouter un Infocampus, mettons. Oh! OK. Voici maintenant votre capsule Infocampus. Hey! Vous êtes assez fous pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa! Makes me want to smoke crack. Assemblage Rocky, go! François-Louis Marchand. Mathieu Plante. En direct des studios de Cifo à Trois-Rivières, on est le 29 septembre, jeudi. Il est 8h05. Tout à fait. Et vous êtes bien heureux d'être là. J'en suis sûr. Supposé, d'accord. Ben, sinon, il y a un problème avec vous autres, là. Hein? Vous autres, on fait notre job. Hein? Tout à l'heure, François Landry va être avec nous. Simon Fitzbé, évidemment. Peut-être, on sait pas encore. Peut-être. Un petit peu pas très en forme aujourd'hui, notre Simon Fitzbé national. Non. C'est depuis qu'il a perdu sa Simon Fitzdé. Il l'a séparé en trois jours différents. Ça l'a vraiment atteint, je pense. Espérons qu'il s'en remette. Ben, c'est ça. Prompt rétablissement, comme on dit. T'sais. Tout à fait. Il n'y a pas d'autre phrase que ça. Il me semble que c'est plate comme phrase. Prompt rétablissement. Prompt, c'est pas un beau mot. Ouais, prompt, c'est pas un beau mot. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est bizarre. Mmh. Tu sais, tu n'utilises pas ça dans d'autres situations. Non. Le mot prompt, c'est juste prompt. Tu as peut-être un nom de famille, le pro-on, je pense. T'as ça. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Oh, ouais. Malajub avec Sansu. Hein? Malajub et Renard Fac vont remplacer Simon aujourd'hui. C'est prompt, c'est bon? C'est prompt. Prompt. We'll be right back. Renard Franck avec la pièce Le Sale Wave. Et avant entendu Malajube avec Sensu sur l'album La Caverne. De toujours Assemblage Rocky, maintenant on accueille, c'est vrai, notre ami Simon Fitzbay. Par téléphone, voici Phénomène. Et en fait, aujourd'hui, si j'avais eu l'intro de son émission Catalepsie, j'aurais pu l'utiliser parce que c'est pas vraiment le chronique phénomène que tu nous fais aujourd'hui. Simon, bonjour, premièrement. Bonjour, messieurs, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. J'ai un peu mal à la gorge. J'ai décidé justement de me tenir loin, pas trop vous donner ma grippe qui est pas très le fun cette année. C'est correct, ça. Dans un studio de radio avec 5 micros et une console, tu t'attends à ce que le rhume se propage assez rapidement. Hein? Effectivement. Donc, Simon, aujourd'hui, tu as décidé de nous continuer un petit peu l'émission que tu as commencé lundi et qui va être rediffusée mercredi prochain, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Donc, il manquait des pièces à la fin de ton émission, c'est ça? Exactement. Je joue à l'autopromotion, en fait, cette semaine, vu que je peux pas vous présenter la stéréophonie en stéréo. Ouais. Ben, on repousse ça la semaine prochaine et je vais faire un genre de fin de bout de catalepsie qui manquait à la fin de l'émission. C'est du patchage! Patchage, exactement. Ouais. On pourra prendre le petit bout de l'émission d'assemblage requis puis patcher à la fin de ta reprise. Ça va faire ça bizarre un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Hey, c'est qui ces deux épées-là? Salut! Ouais. Donc, c'est ça, en fait. À la fin de l'émission, il y avait un segment que j'ai pas eu le temps de présenter qui était les écorchés du LSD dans le monde de la musique. Puisque le LSD, comme on en a parlé dans l'émission, c'est une des drogues qui a été très, très, très populaire dans les années 50 et 60, autant dans le milieu de la littérature, du cinéma, de la peinture, mais surtout des musiciens, puisque les musiciens ont été les plus grands porte-étendards de cette drogue-là. Tous les artistes, puis, finalement, hein, on peut dire ça. Oui, oui, la plupart des artistes ont utilisé le LSD. Franchement, il y en avait vraiment des tonnes et des tonnes à l'époque. Et un des bons côtés aussi du LSD qu'on a abordé, c'est que sa dose, la dose en fait pour faire un overdose de LSD est tellement élevée que c'est impossible que tu prennes autant de cette drogue-là pour en mourir. Ah oui? Ah ouais? Ouais. On dit, mettons, comparé au cannabis, le cannabis, on dit qu'il faudrait fumer à peu près, comme 15 kilos en dedans de 15 minutes pour être en overdose. Ça vous donne une idée. C'est-à-dire, le LSD, c'est encore plus bas que ça. C'est des litres et des litres et des litres qu'il faudrait boire pour être malade. Et habituellement, une dose de LSD, c'est une petite gouttelette. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment pas très, très dangereux pour pas dangereux pour la personne qui en prend au niveau physique, mais c'est au psyché là, que ça peut vraiment affecter. Oui, puisque c'est en fait le LSD, c'est une drogue qui agit directement sur le cerveau, qui agit aussi sur le corps d'une autre façon. Mais en fait, votre corps se sent bien, c'est votre tête vraiment qui est un peu perdue. Et c'est ce qui est arrivé à nos deux personnages, dans le fond, qu'on voit aujourd'hui. On débute en fait avec Brian Wilson, qui était le leader des Beach Boys. Et qui, dans les années 60, avec la célébrité, a découvert, entre autres, la marijuana en premier. Et ses amis qui l'ont initié aux drogues lui ont ensuite proposé d'essayer le LSD. Et ça lui a fait beaucoup de plaisir, en fait. Quelle bonne idée! Oui, c'est une très bonne idée, mais en fait, pour lui, exactement, c'était pas nécessairement l'idée la plus bright au monde, puisque ça lui a vraiment pas fait. Ses amis qui tournaient autour de lui lui fournissaient beaucoup d'acide. Et ça y en a vraiment pas pris beaucoup après trois ou quatre trips de LSD. Ça a commencé vraiment à affecter son cerveau, son psyché. Il a commencé à être victime de paranoïa. Et ça a vraiment donc sapé un peu tout ce qui était vie sociale pour Brian Wilson. C'était vraiment très, très dommage. Quelque chose qui n'est pas arrivé nécessairement à tout le monde, mais dans son cas, ça a été très, très fort. Et encore aujourd'hui, il est affecté par ça. Je l'ai vu en concert au mois de juin dernier et bien qu'il soit très très sympathique et tout, on voit qu'il est pas nécessairement tout le temps tout là. Ouais, sur scène. C'est irréversible, ça là. Exactement, c'est irréversible. C'est que ce qui arrive avec le LSD, on dit que si on a une si on est déjà à c'est-à-dire si on est déjà sur le bord d'avoir des problèmes mentaux, de paranoïa ou de schizophrénie, eh bien, la drogue peut accentuer les problèmes et éventuellement emmener le sujet à devenir soit paranoïaque ou schizophrène ou peu importe le trouble mental là, sur lequel on était sur le bord de. Et je vous ai en fait envoyé deux chansons. La première qu'on préfère jouer, c'est Miss O'Leary's Cow de Brian Wilson, justement, qui devait se retrouver sur l'album Smile des Beach Boys, mais cet album-là a été ça a été mis de côté par Capitol Records parce que Brian Wilson était toujours en état très très drogué en fait lorsqu'il enregistrait. Et ça faisait au-dessus de 6 mois qu'il travaillait sur cet album-là sans avoir aucun résultat concret. On a décidé de laisser tomber l'album. Brian Wilson l'a réenregistré en 2004 avec les musiciens studio et son ami Van Dyke Parks avec qui il avait écrit les paroles. Et l'album original de Smile, reconstitué par les techniciens de Capitol, va sortir sur les marchés au début du mois de novembre de cette année. Donc, c'est très, très intéressant. Et en plus, dans le titre Miss O'Leary, bien, on fait référence à Timothy Leary. Mais ça, je pourrais y revenir de l'autre côté de la pièce. D'accord. Tu voulais pas qu'on parle de Pink Floyd avant? Tu veux qu'on revienne après la pièce? On va écouter. Si vous voulez, on peut parler. Oui, on peut parler d'abord de Pink Floyd aussi, puis de Syd Barrett. Il n'y aurait pas de problème avec ça. En fait, c'est que Syd Barrett, il est arrivé un peu la même affaire, si on veut, que Brian Wilson. Syd Barrett a été un des très, très grands utilisateurs de LSD dans les années 60. Il était vraiment du genre à prendre plus qu'une dose à la fois, c'est-à-dire que sa méthode préférée pour utiliser du LSD, c'était de mettre quelques gouttelettes dans des carrés de sucre qui arrivaient très, très souvent. Oui, exactement. Mathieu aimerait ça. Ouais. Ça te donne des idées. On essaiera justement on essaiera avec toi la semaine prochaine. Ben oui. De mettre de LSD dans des carrés de sucre. Non seulement sa chronique est une infopub pour son émission, mais c'est une infopub pour la drogue. Simon, là. Écoute, j'aimerais bien pouvoir faire des tests sur toi, Mathieu, mais la drogue est maintenant illégale de toute façon, donc je pourrais pas m'en procurer même si je voudrais. Ben oui, zut, hein. Zut alors. Ouais. Et donc, Syd Barrett avait beaucoup de plaisir à faire de l'acide de LSD dans ses carrés de sucre. D'ailleurs, il pouvait lui arriver d'en prendre 2 ou 3 à la fois. Lui aussi, ça a commencé à faire ressortir quelques effets de schizophrénie, desquels symptômes qui auraient pu rester cachés toute sa vie. Mais l'acide a joué le même rôle qu'avec Brian Wilson. Ça l'a vraiment mis de l'avant, ces effets-là, ça l'a fait sortir prématurément. Et ça lui a fait un peu perdre la raison dans un certain sens. Syd Barrett, qui était le leader de Pink Floyd, guitariste également, s'est mis à avoir beaucoup de problèmes à être présent simplement dans le monde réel en même temps que les autres. En concert, il branchait sa guitare simplement, s'assisait sur la scène, il voulait plus partir. Était complètement dans son monde. Oh, ouais. Et comme je disais dans mon émission lundi, Alice Cooper avait hébergé Pink Floyd lors de leur première tournée dans sa maison du Tennessee. Et il avait dit, je suis descendu un matin et Syd Barrett était dans la cuisine et il regardait la boîte de céréales dont laquelle il mangeait. Et c'est pratiquement comme s'il regardait un film, vraiment. Donc, il voyait des images qui bougeaient et c'était donc vraiment incroyable pour lui. C'est vrai que des fois, les boîtes de céréales, ils ont des jeux vraiment drôles dessus, par exemple. Ouais, mais je pense que c'est le genre de boîte de céréales à avoir des jeux. En tout cas, s'il y en avait, ben, le toucan devait se promener dans le labyrinthe, quelque chose comme ça pour Syd. C'était assez particulier. Mais donc, c'est ce qui a mené Pink Floyd à éventuellement demander à leur bon ami David Gilmour de commencer à jouer avec le groupe pour couvrir un peu Syd Barrett qui était vraiment donc impossible à saisir sur scène. Un de ces quatre, ils ont décidé de simplement ne plus aller chercher avant les concerts parce que c'était vraiment trop pénible en fait de jouer avec lui. Et c'est un peu pourquoi et comment en fait il a été expulsé de Pink Floyd. Il a lancé quelques albums solo par la suite, des albums qui ont été terminés, si on veut, par ses amis de Pink Floyd aussi, parce qu'il avait beaucoup de mal à vraiment rester très, très focus sur sa carrière solo. Il a vécu loin du public pendant plusieurs années. Il n'a pas rien fait et il est décédé en 2005, à moins que je me trompe, j'ai pas la date devant moi. Il était vraiment très, très antisocial. Dans le fond, on pouvait pas le voir. Plusieurs journalistes ont essayé d'aller l'interviewer pendant tout le restant de sa vie et il refusait toute entrevue. Il voulait vraiment pas parler de ça. Donc, c'est vraiment très triste. Et là, je passe des bouts. Je passe l'épisode où il s'est présenté dans le studio de Pink Floyd en se brossant les dents dans son pyjama parce que ça serait interminable comme chronique. Donc, si vous voulez, on peut aller en musique et donc célébrer le génie de ces artistes. On va écouter donc Brian Wilson et la pièce Miss O'Leary's Cow. Et après ça, c'est Pink Floyd avec Flaming. Oui, exactement. Merci beaucoup, Simon. On fera tes plugs après la chronique pour pas te faire attendre pendant 10 minutes sur le téléphone. Génial, c'est parfait. Merci à vous. Bonne journée, merci, Simon. Merci, Simon. Bye-bye. Salut, les gars. Brian Wilson, Miss O'Leary's Cow, tout de suite au 89 FM. C'est fou. Starless Pink Floyd et la pièce Flaming dans la chronique Phénomène de Simon Fitzbé, mais on pourrait aussi l'appeler la chronique Catalepsie suite et fin de son émission sur le LSD, qui d'ailleurs va être rediffusée la semaine prochaine, François? Oui, mercredi prochain. En fait, on fait la reprise du LSD. Oui, c'est à 14h. Et sinon, l'émission est en direct les lundis à 20h. Et le prochain sujet, la semaine prochaine, celui-là, ça va être sur les super-héros. Super-heroes! Ouais, donc c'est lundi à 20h. Et on rappelle, toujours avec une semaine de retard, c'est les mercredis à 14h. Écoutez-le aussi dans l'émission Album Classique, les vendredis matins à 10h. Et dans Rock Classique avec ses éphémérides du rock. Ça commence à 11h. Est-ce que j'avais déjà dit 11h? 11h. Quelle heure, Mathieu? 11h. 11h. Heure de l'Est. Heure de l'Est. Hein, tu t'as bien précisé. Mais c'est ça, on recule là bientôt, là aussi. Hein? Là, ça, c'est heure avancée de l'Est. Mm. C'est quand? Je sais pas c'est quand. Je sais pas non plus. Ça va être difficile, ça? Ouais, ça va être le fun. Ça va être le fun, non? C'est vrai. On gagne une heure. Non, on gagne une heure. C'est le fun. Sommeil. C'est celui au printemps qui est pas le fun. Ouais. Ah, c'est réglé. Ouais. On déprimera une autre fois. Hein? Non. Bon. Au printemps, tu déprimes pas trop non plus parce que le soleil s'en vient. Il y a ça. Chacun ses, ouais, ses avantages et ses désavantages. Chacun ses dada. On souhaite, c'est dada, un prompt rétablissement et un dada à Simon. Bon dada. Bon dada, Simon. Have a nice dada, comme on dit en anglais, ça. Mm-hmm. Ouais. Tout à l'heure, François Landry s'en vient avec sa chronique Logocratie 101. On parle de collusion. Collusion avec collusion. Monsieur Duchesneau. Duchesneau. Son rapport qui a été sorti. J'ai hâte de voir ce que François va dire. Oui. Et qu'est-ce qu'il en pense? Ouais. Ben, je suis pas certain de savoir ce qu'il en pense, ça. Mais... Il y a pas grand doute, hein? Pas grand doute. Mais donc, on revient après la pause, c'est ça. Vous êtes ensemble à Jouer Kick. B4. A17. R30. Ah, oh ben, Colin, toi. Colin de Bean. Le CD de pub qui sort. Ça paraît pas du tout. Ça doit toujours... être François Landry, ça. C'est sa forme, mais François, il est de même, François Landry. On écoute Friska Vilhor. Voici Larry O'Neill. I know. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Il nous reste encore environ une vingtaine de minutes à l'émission d'aujourd'hui. La semaine est presque terminée. Vous savez comment on aime la finir? Avec Monsieur Landry. Avec Monsieur Landry. Ça fait sensuel. Sensuel. Ouais, c'était assez beau ça. C'est la chronique Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègues. Le début est solennel. Bonjour. Quel royal. Collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. François Landry, Mathieu Plante. On pourrait animer l'émission comme ça tout le matin, ça laisserait les gens comme relax. C'est ça, c'est comme Sexe et Confidence, mais ouais. Ça serait assemblage érotique. Assemblage érotique. Oh! J'aime ça. Quelle trouvaille. On fera ça un jour, hein? 1er avril. Ouais. Ah ouais. Okay. Ça peut être une bonne idée. Ça s'appelle voler un punch à l'avance. Donc, François Landry qui nous parle de collusion aujourd'hui. Jacques, c'est ça? Jackie Duchesneau. Ouais. Oui. C'était sa comparution devant l'Assemblée nationale, devant une commission parlementaire cette semaine. C'était, on en avait parlé un peu en conclusion la semaine dernière à la chronique, en vous disant qu'il était de passage à Tout le monde en parle dimanche soir. Ouais. Des cotes faramineuses. Je sais pas, par exemple, oui. Ah, 2 millions quelques. Ouais, il pense faire de lui un guest star à chaque semaine. Ouais. C'est ça, un c'est ça. Il va être dans le band, il va juste attendre. Ça va être le fou du roi 2. Ouais, c'est ça. Mais c'est mieux ça que l'autre émission à même heure sur la chaîne concurrente. C'est quoi? Ah, pas on connaît la chanson. Non. D'autres types de corruption du corps, de l'esprit. Je vois. Genre, je veux pas de commission d'enquête là-dessus. Non. On veut juste les flusher. occupation double, Mathieu. Oui, je sais, j'allais dire. Faut une enquête. Est-ce que Athéna est vraiment... Vraiment... C'est ça. Hey, oh! Oui. Il l'a dit, hein? C'est lui qui l'a dit, ça. C'est pas moi, ça. C'est moi? Moi? Ouais. Ah non, mais crime, sérieux, je capote. Je suis tombé là-dessus, là, cette émission-là. Je peux pas croire qu'on parle de ça, non? Je peux pas croire qu'il y a des gens qui écoutent ça. Mais bon, ça a l'air. Ouais, c'est ça. Mais bon, oui, Jacques Duchesneau qui est beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus divertissant. Mm-hmm. Oui, oui, vraiment. On s'attendait. Ça fait tellement avec enthousiasme. Jacques Duchesneau, oui, on s'attendait à ce qu'il dévoile des bombes à la commission parlementaire. Il n'y a pas dévoilé de bombes, mais des citations savoureuses. Il a mis au pied du mur le gouvernement Charest. Et là, Jean Charest est en train de fléchir les genoux. Lui qui est un homme, un rock, qui était Iron Man, ouais, sans le talent, sans les super pouvoirs, mais il est en train de fléchir, il est en train de réfléchir à mettre en place une commission d'enquête. C'est pas un scoop, ça, c'est... Mais... Oui. Il y a un mais, je pense que ça serait à huis clos. Ça serait un... Il est en train d'étudier, sa citation exacte à Jean Charest, il est en train d'étudier la proposition floue de Duchesneau. Floue? La floue Chesneau. Ouais, ça pourrait être bon. Parce que le huis clos de Jacques Chesneau, même lui, s'est fourvoyé à plusieurs reprises pendant sa comparution à la commission parlementaire. Lui-même ne sait pas trop comment ça pourrait s'articuler. Comment on nomme les juges? Lui a suggéré à l'Assemblée nationale, ce serait très bien, parce que c'est là tous les partis qui pourraient choisir les juges et non pas le premier ministre, donc il pourrait ne pas nommer un ami. Mais encore là, c'est la majorité, non? Et voilà. T'sais, voilà le piège de. Mais au moins, ça pourrait être plus transparent. Et ensuite, tous les petits détails techniques. Comment qu'on ferait passer en huis clos? Qui passe en huis clos? Qu'est-ce qu'on fait avec les témoignages recueillis en huis clos? Est-ce qu'on attache un nom au témoignage? Est-ce qu'on peut recourir contre eux par la suite? Est-ce qu'on peut retenir le témoignage pour traîner en justice? On le sait pas. Parce que ce qui se passe en huis clos... C'est en huis clos. C'est ça sûr. Sort pas de là. C'est ça. Et tu peux pas porter d'accusation. Non. Ce que les chroniqueurs politiques disent, c'est que à la place, ce qu'ils pourraient faire, c'est un entre-deux. Un huis clos, mais public. C'est-à-dire... quatre clos, finalement. C'est ça? Ouais. Genre. Ou un clos, comme ça, il n'y a pas de. Il y a juste un mur, il n'y a pas de. Il y en a pas huit. Il préfère un enclos, puis il pourrait avoir des chefs. Ouais, tout. Non. Mais comment à huit clos, ça pourrait être public? C'est-à-dire que ce sont les juges dans une commission d'enquête publique, on s'entend, donc transparence devant tout le monde. Les juges décident, lui, son témoignage est trop précieux pour être dévoilé, genre un politicien, un élu, un ministre. On va le faire comparaître en huit clos avant, voir ce qu'il y a à dire. Et si c'est jugé. Tout à fait légitime ou tout à fait anodin, on va le faire passer en commission d'enquête. OK. Mais c'est pourquoi? C'est pour protéger des gens? Pour protéger des informations, parce qu'habituellement, il y a deux choix qui s'offrent aux participants à la commission d'enquête publique, si on peut appeler ça de même un participant. Soit que tu refuses d'y aller, mais si tu es sommé par le juge d'y aller, tu n'as pas le choix. Donc, tu peux taire beaucoup d'informations. Tu n'es pas obligé de tout dévoiler. Ou tu peux dire, comme plusieurs policiers ont fait, « Je m'en souviens pas. » J'ai des trous de mémoire, faudrait que je regarde, j'ai perdu mon agenda. Et c'est ouais, assez, ouais. Assez répandu, ça. Mais ça, à huis clos, tu peux le faire aussi? Non, à huis clos, c'est que tu peux tout dire, ton nom n'est pas rattaché à tes paroles. Donc, tu peux tout dévoiler. Mais le piège, c'est que ça pourrait être des vengeances, des rédictions de comptes. L'entrepreneur X, il a volé mon contrat, fait que je vais le dénoncer, genre beurré épais pour justement qu'il soit pris lui aussi la main dans le sac, tu sais. Alors qu'une commission d'enquête publique ouverte à tout le monde, c'est l'autre piège, le deuxième, c'est que c'est juste des rumeurs qui peuvent circuler. Genre le facial de la personne, genre est-ce que vous êtes de collusion avec quelqu'un d'autre? Bouf. C'est comme le poker face raté. Exactement. Donc c'est là qu'on pourrait avoir le pouf. Une floche. Avez-vous déjà vu le gouvernement? Bouf. Ouais. Tout ça pourrait être juste des rumeurs, donc on n'y aime pas à face, il est croche. Ouais, mais le public, en fait, permet, c'est ce que je pense, tu pourras me corriger si j'ai tort, permet d'assurer, en fait, une certaine défense. Si, exemple, tu m'accuses, tu beurres épais, on est deux entrepreneurs, puis je t'ai volé un contrôle, tu m'accuses, blablabla. Donc, en fait, l'enquête publique peut me permettre de me défendre moi aussi. Tandis qu'à huis clos, en fait, si tu me beurres épais dans le dos, moi, je le sais pas. Exactement. Juste les enquêteurs et les juges pourraient le savoir. Donc là, ça serait le jeu des juges de voir qu'est-ce qui est retenu. Exactement, de faire des liens entre les autres témoignages. Et ça, c'est le devoir des policiers, de dire, OK, on utilise le témoignage A qui correspond en grande partie au témoignage B, donc les deux sont véridiques. OK, c'est plus compliqué que ça dans les faits. Puis ça prend des preuves aussi, là, des documents peut-être. Mais c'est difficile à trouver les preuves. Les factures sont toutes brûlées. Sûrement, les foyers sont faits à l'estiver. Oh, ça, c'est clair. Frère, t'écoute. Mais comme Jacques Duchesneau l'a dit à un moment donné, on n'a pas juste besoin de preuves papier. Ouais. Juste aller voir une route. OK? Si les devis disent on a mis 12 pouces de garnottes, puis qu'on regarde la route, puis qu'il y en a juste 6 pouces, il est où l'autre 6 pouces qu'on a facturé? C'est ça, ils peuvent pas brûler la route, là, on s'entend. Donc, ça serait des enquêteurs de terrain aussi qui iraient voir si le type de béton utilisé est le bon béton, s'il n'y a pas trop de sable comme à Trois-Rivières avec la pyrotite. Tu sais, des trucs de même. Là, Mais ça, je pense que si tu commences ça, tu finis jamais. Ça serait extrêmement long. Tu finis jamais parce que, en tout cas, je... C'est ça. Il y en a beaucoup, juste, hein? Juste pour te donner un exemple, il pourrait y aller aléatoirement aussi, là. Ouais, c'est certain. Ouais. Et avec le temps, dans 5-10 ans, trouver d'autres preuves qu'une bâtisse tombe, c'était relié à la firme qui a déjà été condamnée pour un tort similaire. T'sais, il pourrait. Mais juste pour te donner un exemple, si Jean Charest décide aujourd'hui là, de déclencher une commission de l'enquête publique, OK, les audiences commenceraient seulement l'automne prochain. Ça serait très long. Et si... Il y aurait un huis clos. C'est encore plus long. Ça irait à l'autre printemps. Parce que Kim, en fait, ça se peut qu'il serait même plus au pouvoir. Et voilà. T'as tout trouvé. C'est son jeu. Et une commission d'enquête publique et ou à huis clos, en tout, ça prendrait minimum un an et demi à deux ans à faire. Donc, lui, c'est certain que Jean Charest ne serait plus au pouvoir ou il serait encore là, mais dans une nouvelle forme d'amour envers son peuple. Dépendamment de l'opposition, comment aller aussi. Oh, mais ouais. Là, présentement, il est en train d'étudier. Si je retarde le plus possible... Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le calendrier pour les élections de 2012 qui s'en viennent à très grands pas? Donc, est-ce que ça ira en 2013? Donc, pendant ce temps-là, oui, j'ai déclenché une commission d'enquête. C'est en processus. Merci, bonsoir. Je me tape dans les mains. Je me fais réélire en 2012. Ou, au contraire, c'est en 2012, mais je vais tout faire pour quitter la tête haute avec son plan en or, entre autres, ou baisse d'impôts, ou des nananes données à tout le monde. Je quitte la tête haute dans le livre d'histoire. La commission d'enquête, ça sera l'opposition officielle qui va être pognée avec ça. Va être pognée avec ça, exactement. Parce que hier, on a révélé dans les journaux, ça a passé inaperçu un matin, mais ça va revenir. Le Parti québécois n'est pas sans tâche. Il y a, j'imagine. C'est l'Ordre des ingénieurs du Québec. Puisqu'eux autres aussi sont tannés de se faire taxer de malversation, de collusion. Eux autres, l'Ordre, ils veulent bien paraître, c'est normal. Ouais, c'est leurs membres, certains membres qui peuvent agir méchamment. Fait qu'ils ont fait une enquête, eux autres aussi, à l'interne, à savoir quelle entreprise de génie conseil a donné au parti politique. Donc, ils ont fait le calcul, puisque ça, c'est public. C'est, on peut aller les voir toi-même sur Internet, tu peux aller les voir qui a donné. Donc, ils ont toutes fait les additions et ils ont dit « le Parti québécois a reçu 2 millions de dollars. » Tout comme le Parti libéral, les mêmes firmes. Et c'est de ça casse pas la tête. Là. Ils donnent, c'était au pouvoir, si c'est un ou si c'est l'autre. Ben, écoute, on a donné la même chose. Ils sont, on est là, on est fin avec toi, on est fin avec l'autre. Nous autres, eux autres ne veulent pas de problème. Là. Exactement. Donc, c'est des élections clés en main qui appellent. Nous autres, on s'occupe de ton financement. N'aie même pas de stress pour ça. T'as besoin de personnel, on te le fournit. T'as besoin d'un banquet avec plein d'invités, on s'en occupe. Mais une fois au pouvoir, par contre, on va te rappeler. Puis on va aller prendre un verre ensemble avec mes chums Johnny et Ringo. Ça peut être ça, là. Ouais. Dans les municipalités, du moins, c'est ce que le Duchesneau fait ressortir. C'est flagrant, c'est répandu. Et Montréal, comme le dit, c'est le bar open. Tremblay, le maire Tremblay n'est même pas le maire de Montréal. C'est selon ses propos, là. C'est la mafia qui s'en occupe. Qui s'occupe de Montréal. Et c'est fou, hein, quand même. C'est hallucinant. C'est gros. On pensait voir ça à New York, Chicago. C'est chez nous. C'est chez nous. Ouais. Ça me surprendrait pas qu'il y ait des villes ici même en Mauricie. Je veux pas partir de fausses rumeurs, moindre échelle. Mais ça me surprendrait pas. C'est le même principe. Des fois, c'est fait innocemment aussi. Tu connais pas les règles. T'es dans un patelin. Il y a un entrepreneur qui vient te voir. Je te bâtis ton pont que t'as promis, là. Puis on ira jouer au golf après. Ouais. Ah, ben oui, ben pourquoi pas. Merci beaucoup. Puis toi, tu fais ça. Tu le fais avec ton idée principale, c'est juste d'améliorer la situation, mais tu sais... Oh, exactement. Tu le fais... Tu penses agir pour le bien, mais selon la loi, tu déroges, tu te fais taper ses doigts. Ouais. Mais quand c'est plus grand comme Montréal, comme au Québec, tu connais les règles habituellement. C'est pas n'importe qui se présente aux élections, c'est des personnalités comme Tremblay, c'est un ancien ministre libéral, donc ça fait longtemps, c'est un vieux routier la politique québécoise. Jean Charest, écoute, je sais même pas s'il a déjà pratiqué son droit de barreau. Il s'est fait diplômer, puis il s'est fait élire au Parti conservateur à Ottawa. Donc, c'est un vieux, vieux, vieux routier de la politique canadienne-québécoise. Donc, il connaît les règles. Donc, ça, c'est pas excusable. En parlant de règles, en fait, est-ce que ça a été changé? Est-ce que là, présentement, il y a des contrôles pour vérifier exactement les devis et puis tout ce qui se bâtit là en ce moment-là? Ouais. Il n'y a pas assez d'enquêteurs au ministère des Travaux publics. C'est ce que Duchesneau a ressorti. En gros, il dit, avec la réingénierie de l'État en 2003, on s'en souvient un peu. Je sais qu'on était jeunes, là, mais jeune et fou. Aujourd'hui, on est juste fou. Bon. On est plus jeunes, pas tout. Jean Charest avait privatisé plusieurs pans du système étatique. Donc, baisser les salaires ou du moins ne pas les augmenter. Fait que les ingénieurs qui travaillaient pour le gouvernement. Donc, les fonctionnaires diplômés disaient « Je peux gagner 50 000 pièces de plus dans ma job que je commencerai lundi matin. Je pense que je vais faire le saut là-bas. » Ou, au contraire, au lieu d'avoir 100 nouveaux ingénieurs qui travaillent pour le gouvernement, cette année, on en recrute seulement 20. À un moment donné, le départ à la retraite et changement d'orientation de carrière, ça arrive. Duchesneau a fait ressortir qu'on a tellement privatisé au Québec. Ça ne paraît pas dans les faits, mais dans les ministères, on a tellement privatisé qu'on s'est délaissé d'une matière grise très importante. Donc, aujourd'hui, ceux qui regardent les contrats, c'est soit des fonctionnaires de bureau, genre secrétaires ou des adjoints, on ne peut pas rien leur enlever. Non, c'est ça. Ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça. Ils arrivent avec une facture, ça coûte tant. Ben, ça coûte tant. Puis on fait confiance. Ben, c'est normal. Ça coûte 3 milliards pour un pont. C'est normal. Je sais pas. Tandis qu'un ingénieur, lui, regarderait le devis dirait « As-tu vraiment besoin des panneaux solaires pour faire changer la couleur du pont? » Je pense que non. Là, c'est ça. Fait que, on va enlever 300 millions là. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un pont en ciment? Il me semble que c'est en acier d'habitude. Fait qu'on va le faire en acier, ça coûte moins cher. C'est ça. Ça prend quelqu'un qui connaît ça aussi. Voilà. Donc là, il n'y a pas assez de... Et tu disais aujourd'hui, est-ce que c'est réglé? Non. Le problème n'est pas réglé. Il est empirique. Donc, Est-ce qu'on pourrait commencer par ça? Ce que Duchesneau suggère, c'est que si on commence aujourd'hui, ça prendrait 10 ans avant de revenir à la normale. juste revenir, non pas de devenir meilleur, là. Ça prendrait 10 ans. Et ça prendrait 25 ans avant que ce qui est fait aujourd'hui soit remis à la norme dans les structures. Donc, une route, ça a 12 pouces de gravelle, ça doit avoir 12 pouces. Donc, dans 25 ans, quand la route va être à refaire, il va falloir enlever le 6 pouces qui avait été mis. Mais 12 pouces chargés pour refaire la route de 12 pouces. Mais dans 25 ans, on s'entend que on va être à notre retraite, les gars, là. C'est dans longtemps. Votre petit cul qui est venu au monde aujourd'hui, il va être diplômé, il va avoir une maîtrise à l'université, là. Ah, ça va être cute. Alors, m'en promener en scooter, moi. Bon, pourquoi pas. Mais tout ça pour dire que si on commence aujourd'hui, le problème prendrait de 10 ans pour les ingénieurs et 25 ans pour les structures. Fait qu'on peut tous s'entendre pour dire que la prochaine génération, ça va être le chaos. Tout simplement. Ça va être le chaos, je pense, sincèrement. Parce que ça coûte énormément cher, en fait, construire ce truc-là. Et ça rapporte pas Non, ben les structures, ça rapporte pas. C'est ça. Ça améliore peut-être le système de transport des marchandises, mais... Améliorer, mais tu sais, c'est pas quantifiable non plus. Ça coûte extrêmement cher, et là, tu as raison, parce que on sait pas combien ça coûte. Lui, Jacques Chenault, a mis le chiffre 93 millions juste pour l'année dernière, de trop, qu'on a payé en trop pour les infrastructures. 93 millions. Ouais. Et là, et ça, au même moment... Et ça, c'est tout dans les poches des mêmes, là. Oui. C'est en trop. Il y a peut-être 6 entreprises. Donc, 93 divisé par 6, là, on s'entend que c'est... Hallucinant. Hein, tu te payes un beau petit voyage autour du monde pendant 10 ans. Là. Et au même moment, on apprenait que le gouvernement est obligé de couper 800 millions au Québec pour se serrer la ceinture parce qu'on ne pourra pas arriver à la fin de l'année qui finit bientôt. Là. Et là, tu dis, à un moment donné, c'est qui le cave? C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on sait. Parce que en fait, il doit y avoir d'autres choses. Il y a Amir Kadir, là, je veux juste le plugger, puisque c'est lui qui a le plus ressorti dans les députés qui ont interrogé Duchesneau. Il a dit, nous autres, à Québec solidaire, on détient des preuves comme quoi le premier ministre est directement impliqué là-dedans. Pourquoi il ne les dévoile pas? Parce que lui, il trouvait que c'était des papiers anodins. C'était juste des réunions, des comptes rendus des réunions dans un banquet. Il dit... Oui, Jean Charest était là avec X, Y, Z. Chenault, ça. Qui dit que Jean Charest était directement impliqué. Donc, il a posé la question à Chenault. Et Chenault, il a dit à Kadir, c'est exactement ce genre de preuves-là qu'on a besoin pour faire des liens. Puis que là, Amir Kadir, il est tout content. T'sais, lui, il dit, c'est juste la paperasse normale comme on retrouve sur un coin d'un bureau. C'est genre, Mathieu, tu t'en vas dîner avec Alain Lefebvre. C'est normal. Oui. Sauf que le juge va dire Mathieu, t'es en renégociation de contrat, Alain aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire, François-Olivier, Tu sais, des trucs de même. Ils sont en train de. Oui. Donc, là, Duchesneau, il a dit c'est ce genre de papier-là que j'ai besoin pour faire des liens avec d'autres preuves que nous, on détient déjà. Que là, Jean Charest n'a pas trippé, Et là, on n'entend pas parler de Charest non plus. Cette semaine, on n'a pas entendu parler. Il a envoyé ses ministres au front. Mais hier, en chambre, les ministres étaient petits dans leurs culottes. Ils bafouaient, puis c'était pas une pièce d'anthologie, mais c'était bon à entendre et surtout à voir. Ils étaient petits dans leurs culottes. Les loupes, eux autres, c'est certain qu'ils se régalent. Ils ont trouvé leur os. Là. Ouais, c'est sûr. Là, ils vont sauter dessus, gruger jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de moelle. Mais il faut pas laisser traîner ce papier-là. Non. Ça, donc, si vous allez dîner, coupez toutes vos factures, puis payez cash. Donc, c'est un truc de même grâce à Duchesneau. Mais tout ça pour dire que oui, le problème est endémique, le problème est grave. Là, Jean Charest prend tellement son temps pour le déclencher, comme on parlait tantôt, que Duchesneau pourrait démissionner parce qu'il est tanné d'attendre. Lui, il est bloqué, il peut plus avancer. Là. Il a fait son rapport, tout ce qu'il peut faire. Et s'il démissionne? Ben, Jean Charest, il peut retarder encore plus parce que là, il n'y aura plus de chaîneau pour. Okay, parce que là, il va falloir qu'il se trouve quelqu'un d'autre. Pas nécessairement. Il peut juste mettre un terme à cette unité permanente-là. Et c'est lui qui l'avait nommé. Oui, Chenault? C'est lui qui l'avait nommé. Il doit être content de savoir que. On voit tout ce qui se passe. Hein? Un tel Chenault a de l'air quand même, tu sais. Il a l'air. Il a de l'air. Ben, c'est un ancien policier. Il ne faut pas lui enlever ça, cette qualité-là. C'est un ancien chef de la SPVM, de la ville de Montréal. C'est un gars droit. Mais est-ce qu'on connaît son véritable background, ses coulisses, ses amis? On ne sait pas. Je ne veux pas lancer de fausses rumeurs non plus, mais est-ce que Jacques Chenault est libéral? Ben, c'est ça. Moi, mon problème est du fait qu'il a été nommé par le premier ministre. Ben, habituellement, le premier ministre, il est quand même assez intelligent pour nommer des personnes qui sont aptes à faire la job. Ils nommeront pas un sergent caporal à Saint-Lin-Lin des Provinces. Non, je sais. Il va nommer quelqu'un qui est capable de comprendre le système. Ouais. Et qui peut le faire, mais il peut plus le contrôler. Une fois qu'il est lancé, non, il peut plus le contrôler. C'est sûr. Jacques Duchesneau l'a dit en commission parlementaire, je ne parlerai pas tant si longtemps qu'il n'y aura pas de huis clos. J'ai plein d'informations à dévoiler, mais je ne les dévoilerai pas. Et là, la commission a dit non, on ne veut pas voter de huis clos, c'est public et tout ça. Donc, il dit parfait, je vais juste répondre aux questions par des oui ou des non. C'est ce qu'il a fait à peu près. Donc, est-ce que vous avez eu connaissance de malversation? Oui. Qui? Huis clos, s'il vous plaît. Il peut pas nommer parce que oui, sa vie est en danger aussi. Il l'a dit. Bon, ouais, il a dit qu'il avait peur il a peur de partir son moteur le matin. Donc, belle vie, ça, hein, quand tu vis c'est ça. C'est assez stressant. Est-ce qu'il veut démissionner avant parce que c'est rendu intolérable? Ouais. Je le comprendrai. Ouais. Je le comprendrai. Je le comprendrai, mais je pense pas que ça change vraiment quelque chose. Ouf, on verra. On verra. Mais pour l'instant, Jean Charest, c'est lui qui a la balle présentement. C'est lui qui va décider. Et il va tout faire pour cacher la balle. Et même peut-être... rester au pouvoir. La faire oublier au peuple. Comme quoi, il n'y a jamais eu de balle ici. Quelle balle. Il est bon là-dedans. Ouais. Merci, François. Ça fait plaisir, monsieur. Ah, merci. On se retrouve jeudi prochain, 8h30. Oui. Pour une chronique Logocratie 101. Oui. Appelle Jacques, puis essaie de l'amener ici pour... Jacques et Douche. Ben, déjà, il faut que j'appelle quelqu'un d'autre. Là. Oui, il faut que tu appelles le... Monsieur Piqui, là. Celui là, qui t'a répondu là, sur Internet pour ta fête. Ah, Denis Coderre. Denis Coderre, ton ami. Oui, c'est vrai. Ah, regarde ça. Ça serait le fun. Au pire, écoute, on peut l'appeler par téléphone. On a ça, nous autres, l'équipement pour ça. Bon, ça. Parfait, ça. Ouais. Je m'arrange avec ça. J'espère. Cool. C'est cool. Merci, François, encore une fois. À la semaine prochaine. Nous, François, on va dépasser encore un petit peu. J'ai promis une chronique comme 15 fois dans l'émission. Dans ce temps-là, ben, je me dis qu'il faut la faire. Vas-y. Voici, ça existe, mais ça devrait répondre. Là. Ça existe, mais ça devrait pas. C'est la chronique où on vous donne des idées pour régler des problèmes qui n'existent pas. Ou on vous crée des besoins. Les deux, en fait. Sortez votre portefeuille, ça va y aller au taux. T'as de la difficulté quand tu as des réparations à faire en dessous, mettons, des armoires de cuisine. Puis là, t'as une flashlight dans les mains, c'est une lampe de poche dans les mains, une tournevis dans l'autre. Non, j'ai une petite casquette avec une lumière. T'as ça, toi? Ouais. Ben, t'es un fancy, François-Olivier. On a un ensemble de 7 clés doubles dotées de batteries rechargeables et de diodes électroluminescentes. Ça, c'est des LED, là, des lumières LED, qui vont permettre de guider vos mouvements sans avoir besoin d'une deuxième ou d'une troisième main pour tenir une source d'éclairage séparée. Les diodes sont placés sur les têtes des clés, ce qui fait que l'éclairage disparaît au moment où on saisit l'écrou. Mais il s'agit d'un inconvénient mineur puisqu'on en a besoin de lumière une fois l'outil bien arrimé. Bon. Chaque clé dispose d'une autonomie de 5 heures et peut servir de signal clignotant d'urgence en cas de besoin. Donc, c'est des clés pour des écrous, mais tu sais, on pourrait appliquer la même idée sur des tournevis. Bon. J'avais mentionné un tournevis, je pensais qu'il y en avait. C'est 100$ sur Internet, en fait, le lien est sur assemblagerequis.com. Ensuite, vous mangez, mais vous voulez être en santé aussi, et là, vous aimez pas les gyms, OK, et vous voulez manger la nourriture que vous voulez. Ça commence à être compliqué de gérer ça, t'sais, le gym, la bonne nourriture, la santé, t'sais, bon. Donc, il existe des ustensiles de cuisine intégrés à des haltères, hein, pour brûler quelques calories que vous avalez avant même de les avoir avalées. Le couteau et la fourchette sont attachés à des poids de 1 kg et la cuillère à un poids de 2 kg, donc un petit peu plus de muscle avec ça. Parce qu'on dit ici parce qu'elle risque de servir pour le dessert plus souvent. Pas de quoi gonfler ses biceps outre mesure, mais peut-être assez pour raffermir certains muscles faibles. Voilà. On dit que malheureusement, cette coutellerie d'entraînement coûte la bagatelle de 160$ par couvert. Alors, si vous sentez plus léger après quelques semaines d'usage, ce ne sera pas forcément parce que vous aurez perdu de poids, mais ça va être parce qu'il y a moins d'argent dans le portefeuille. Ah, ces articles-là sont tous cocasses à mort. Le geek moderne a souvent besoin d'alimentation électrique à un ordinateur. T'es dans un café, mettons, et t'as besoin de brancher ton ordinateur, mais t'as aussi peut-être ta copine qui a son portable, puis il finit par manquer de prise. Mm-hmm. Donc, on appelle ça le Share a Watt. C'est un parasurtenseur, donc une power bar. Donc, c'est miniature, ça règle le problème. Donc, assez petit, léger pour être transporté dans le sac à dos ou même dans une grande poche de manteau. Il permet d'alimenter deux ordinateurs portables en même temps et de recharger deux iPods ou téléphones par voie de USB sur le même petite power bar tout petit. Et ça offre une protection contre la variation de puissance électrique. Donc, on est très, très prudent avec ça. Ça coûte environ 20$. C'est sur assemblagerequis.com encore. Celui-là, je l'aime bien, je pourrais l'acheter. C'est cool. Ensuite, une montre avec un écran touchscreen. Oh ouais. Pourquoi pas, Tokyo Flash vient de sortir une montre très très unique, la Rogue Touch. Ce qui fait que c'est intéressant, c'est qu'il y a une interface touchscreen et c'est un hybride LCD et LED, donc électro-luminescente patente là. Donc t'as une touchscreen et les choses dessus restent tout le temps affichées et c'est la lumière, la backlight que tu allumes en touchant ta montre. Donc l'heure est montrée, puis là tu touches et puis ça monte la lumière. C'est bien. Hein? Oh. Hein, ça coûte... est-ce que c'est écrit? Il y a pas, non, il n'y a pas encore le prix. Par contre, ça dit les couleurs bleu, vert, rouge et couleurs naturelles. Look très, très futuriste en ce moment. Donc, ça fait vraiment film de science-fiction. Et la façon de voir l'art, de lire l'art, est un petit peu compliquée. Il y a les instructions sur le site. Ils disent qu'avec le temps, tu comprends très bien. En tout cas, moi, premier regard... C'est assez compliqué. C'est compliqué. La plus petite caméra du monde maintenant, tiens, c'est qui prend des photos de 2 mégapixels, autofocus, 30 images par seconde, résolution 640 par 480, carte micro SD de 2 gigs, tout ça rechargeable par batterie qui est bonne pendant 30 minutes. Et là, littéralement, la caméra, elle est de la grosseur de pas mal la dernière... comment t'appelles ça? Pas phalange, là? Le dernier bout de doigt, là. Ouais. Un petit peu plus petit que ça. À peu près cette grandeur-là pour une caméra de 2 mégapixels. Ça coûte 99$. Rechargeable, comme on disait, pour 30 minutes. Et puis, câble USB pour revoir les photos sur l'ordinateur. C'est la compagnie Amaker. Tu vois, une partie de sport était vraiment très, très geek. Je sais que les deux vont pas nécessairement ensemble. Une partie de football, mettons, c'est un gars number one, tu sais, tout le temps. Mais à place de ce gars-là, c'est un pointeur de souris avec une main, comme sur Internet. C'est ça ton chose. Donc, c'est le Wear 1.0 Foam Finger. Ça mesure 15 pouces de haut. Et ça peut être fait pour célébrer, je sais pas, peut-être que si vous êtes pas sportif, des mariages geeks, peut-être des matchs d'échecs. Est-ce qu'on peut dire partie d'échecs, quelque chose de genre? Ça pourrait être très, très bien. Le Rocketfish Pad Pivot, c'est un truc que tu installes Rocketfish, c'est la compagnie de chez Future Shop, entre autres. Ah! Donc, tu installes ça sur ton genou, c'est un bout de plastique avec une ventouse et tu peux attacher ton iPad. Tu sais, on parlait plutôt dans l'émission d'un iPad, des fois c'est lourd quand tu lis un livre. Donc, tu mets ça sur ta taille. Sur ta cuisse. Belle taille. Merci, toi aussi. Et tu peux y aller pivoter. D'où le nom Pad Pivot, là. C'est que tu peux l'amener, le bouger d'angle sur ta cuisse. Fantastique. Je capote. Ça coûte 40$, François. Oh, wow. 40$. Hey, ça aurait pu coûter 4 cents d'en racheter un. C'est sûr, j'en ai racheté deux. Forte Table, ça c'est une table qui te permet de prendre ton clavier, mettons ton clavier de musique là, électronique, là. C'est ton petit Casio. Là. Ouais, ton keyboard. Là, c'est ton keyboard, ben oui, si tu veux parler en anglais même, ça veut dire un keyboard. Tu peux l'insérer dans cette boîte-là qui, dans le fond, qui devient une imitation d'un grand piano à queue. Hein? C'est comme une table. Hein? Avec un genre de couvercle. Et puis en plus, t'as une genre de power bar pour brancher des affaires électroniques dedans pour peut-être faire du DJing sur ton piano. C'est joli, hein? Pour l'instant, c'est pas encore disponible en vente, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Celui-là, mon préféré, que j'aimerais beaucoup acheter, mais qui est sur Amazon au Japon, donc qui ne fait pas de shipping au Canada, c'est une petite figurine, genre de Mario, OK? Mais c'est avec des effets sonores, puis c'est comme un loop animé, OK? Donc, ta petite figurine, OK? Il y a un genre de petit poteau, mettons, qui va tenir ton Mario, OK? Puis là, t'as les escaliers, comme dans Mario Bros. 1, tu sais, des escaliers, puis une petite carapace de tortue. Tu sais, le truc que tu peux sauter plusieurs fois sur une carapace de tortue pour faire des vies, là. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, ton Mario bouge. Dans la petite figurine, le Mario bouge, puis ça fait. Si tu veux fatiguer quelqu'un, hein? Tout le temps. Ou encore, l'autre, c'est deux tuyaux avec un Mario qui rentre, puis qui sort de chaque, tu rentres dans un, il sort dans l'autre. Et, ben non. Bon. Tu vas te l'acheter? Ben, j'aimerais ça. Tu peux pas? Ça coûte 10$ pour les... Non, chaque 10$. Mais il n'y a pas de shipping au Canada. Peut-être qu'il va en avoir sur eBay un jour. On ne peut qu'espérer. Ouais. Ton chat? T'as un chat? T'as-tu un chat? Ouais. Ouais. Est-ce que des fois, il gratte sur des affaires? Non. Non? Ben, en tout cas, mettons qu'il le faisait. Là. Tu pourrais lui donner une table tournante pour chat? C'est une table tournante à monter, donc tu le reçois en kit, tu le montes, ça coûte 23$ environ, et là, le chat peut gratter dessus. Et tu peux même repositionner la petite aiguille de ta table tournante pour, tu sais, ben, ça fait pas de musique, là, mais il peut scratcher dessus, tu sais. Cat scratch fever! et voilà pour la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a, bon, c'est fini. Allez, merci Mathieu. À peine 7 minutes après la fin de l'émission, c'est pas grave du tout. Voilà. Merci. On est comme ça. Ça va, c'est fini parce qu'après ça, on pourra plus faire ça. Là. Non, donc, c'est ça. J'espère que vous l'avez apprécié. Ben oui. Ça sera plus jamais ça. On va couper les chroniques. À place d'annoncer des chroniques qui n'auront pas lieu, on va juste pas les annoncer. voilà pour Assemblage Rocky cette semaine. On va être de retour lundi à 7h. Qu'est-ce qu'on a à l'émission lundi, François-Olivier? Est-ce que tu t'en rappelles? Lundi, oui, on a Nicolas Ducharme vers les 8h30. Sa chronique de sport. Qui parle de sport, effectivement. On a aussi notre ami Xavier Ontoir avec sa chronique de thé. Tête-toi et cuisine. Il va nous cuisiner un petit quelque chose et boire en même temps. On va boire. Blablabla. Et à 7h30, on a Kiwan en direct de l'Alberta et les actualités musicales canadiennes. Reste à l'écoute pour le dîner de con à 11h. Et puis plus tard en après-midi, je serai de retour avec Marie-Pierre Laforge-Bourret pour les palmarès. Les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et plus tard en soirée, la spirale à 18h, Sky Punka à 19h et la toute nouvelle émission, le lobby avec la musique électronique. Ça commencera à 21h. Passez une excellente journée, une bonne fin de semaine si on se retrouve pas au palmarès. Mais si vous ne revenez pas au palmarès, je suis pas sûr que je vais vous pardonner. Fait que... Arrête donc, tu vas pardonner. D'ailleurs, au palmarès, c'est fou, on présente à chaque semaine les meilleurs moments d'assemblage requis. Toi, faudrait que t'écoutes ça. Je l'écoute, Sarah. Bon, ben tant mieux de bon. On se quitte avec Camp Radio et The Girl Who Stole My Motorbike. Bye, François. Bye Mathieu, bonne fin de semaine. Bye!